Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une excellente comédie avec Cadmérade. Robert Pelage est un fan, un vrai. Passionné par les actrices, Robert est agent de service dans une prestigieuse agence artistique et fait le ménage dans les bureaux déserts. Consultant à loisir, adresse, planning et numéro privé des stars, Robert lit les scénarios, dérobe les invitations aux premières, cale les rendez-vous, oriente les castings et se mêle constamment de tout. Elles ont quoi ces actrices? Enfin, elles sont parfaites. Elles sont exceptionnelles. Des fans collants, on en a eu. Mais alors lui, il a la palme. Il est partout tout le temps. Moi, quand j'ouvre les yeux le matin, j'ai peur de le retrouver dans mon lit. Il faut dire qu'il y a du passage. 10 messages, il a laissé sur mon répondeur. Il a saturé ma boîte vocale. Je vous appelle pour le casting de Violette Duval. Bonjour. On a lu le scénario, le rôle n'est pas important pour elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous avez raté l'avion pour Hollywood? Elle voudrait maintenant se consacrer au cinéma. Mais j'ai jamais dit ça. Vous direz bonjour à Spielberg pour moi. Alors là, j'hallucine. Mais c'est un malade, ce mec, comment il sait tout ça sur moi? Bah, tu fais déjà l'une des journaux, non? Remarque, c'est plus pour tes fesses que pour tes films. Tu sais ce qu'elles te disent, mes fesses? Non, je sais pas ce qu'elles disent, mais je sais ce qu'elles font. Et apparemment, elles bossent à plein temps. Moi, j'ai une idée. La police ne fait rien, on pourrait peut-être s'en occuper nous-mêmes. Cher Robert, je voudrais vous rencontrer. Retrouvez-moi à 21h au Fouquet's. Je crois qu'elles ont décidé de se venger. Vous seriez pas en train de nous faire une petite parabo, là? Mes stars et moi. Avec Cadmérade, Catherine Deneuve, Emmanuel Béart, un DVD Studio Canal.